Psaume 86. Requête de David. Éternel, écoute, réponds-moi, car je suis affligé et misérable. Garde mon âme, car je suis un de tes bien-aimés, ô toi, mon Dieu, délivre ton serviteur qui se confie en toi. Seigneur, aie pitié de moi, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car j'élève mon âme à toi, Seigneur. Parce que toi, ô Éternel, es bon et clément, et d'une grande bonté envers tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, et sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Seigneur, il n'y a aucun entre les dieux qui soit semblable à toi, et il n'y a point de telles œuvres que les tiennes. Seigneur, toutes les nations que tu as faites, viendront et se prosterneront devant toi, et glorifieront ton nom. Car tu es grand, et tu fais des choses merveilleuses, tu es Dieu, toi seul. Éternel, enseigne-moi tes voies, et je marcherai en ta vérité, lie mon cœur à la crainte de ton nom. Seigneur, mon Dieu, je te célébrerai de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à toujours. Car ta bonté est grande envers moi, et tu as retiré mon âme d'un sépulcre profond. Ô Dieu, des gens orgueilleux se sont élevés contre moi, et une bande de gens terribles, qui ne t'ont point eu devant leurs yeux, a cherché ma vie. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu fort, pitoyable, miséricordieux, tardif à colère, et abondant en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi, et aie pitié de moi, donne ta force à ton serviteur, délivre le fils de ta servante. Montre-moi quelques signes de ta faveur, et que ceux qui me haïssent le voient, et soient honteux, parce que tu m'auras aidé, ô Éternel, et m'auras consolé.